Cours numéro 17. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'a akhadna fi darsina al-akhir fi sharh kashf ash-shubuhat. Tafadhal. Fi darsi al-akhir shubuhatayn. Na'am. ذكر أخر نزل في الإسلام يقولون فكيف تجعلون أصنام مثل الصالحون مثل أصنام أحسن أن هذه الآية أو الآيات ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله et d'autres versets dit ces versets ont été révélés pour mettre en garde contre ceux qui adorent les statues فكيف تجعلون L'anbiya ou al-salihin mitl al-asnam. Comment vous argumentez avec des versets qui sont descendus pour mettre en garde contre l'adoration des temps pour ceux qui demandent le shafa' aux hommes pieux et aux prophètes? C'est ça leur choubha. Fama al-jawab. Fadda. Mouraddu alayhim Allah subhanahu wa ta'ala ma faraqad أن من قصد الأصنام بالعبادة لا شك أنه c'est du shirk. Celui qui adore les statues, c'est du shirk. كذلك celui qui adore une autre créature, même si cette créature a un fadl azim, comme un prophète, comme un homme pieux, comme un savant, comme un compagnon, إلى آخره, c'est du shirk. لماذا les deux c'est du shirk? C'est ça l'essentiel dans cette réponse. لماذا les deux c'est du shirk? Tout le monde doit répondre. Tfaddal. Naam. Zid, c'est qui détaille plus. Limaala les deux c'est du shirk. Li'anna as-salam makhluq wa an-nabi makhluq. Li'anna as-salam makhluq as-salih li makhluq. Li'anna les deux c'est des créatures. Ou l'ibada c'est pour le créateur. C'est pour ça qu'il n'y a aucune différence. Le fait d'adorer une créature, c'est la même chose, c'est du shirk. Même si Wahid Matalan, il adore la meilleure créature, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est du shirk. Celui qui adore un caillou, c'est du shirk. Celui qui adore Shaytan, c'est du shirk. Lakin, est-ce que ces créatures, elles sont au même niveau? Na'oudou billah. Abadan, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Awwal al-Bashar. Al-Shaytan, c'est Imam al-Kafirin. Mal'oun matroud min rahmatillahi azza wa jal. Lakin, le fait d'adorer une créature, c'est du shirk. Réviser ce kitab, une révision simple. Et n'tabihu de pas trop détailler au départ. C'est très très simple. La shubha, l'ambiguïté, Allahou me dit, pourquoi vous dites que les prophètes, c'est comme les statues? Ne détaillez pas trop. Liana, vous allez oublier la base, l'essentiel. La réponse, elle est toute simple. Les statues, c'est des créatures. Le prophète, c'est une créature. Karina. Est-ce qu'on a le droit d'adorer une créature? La créateur, ça c'est que pour le créateur. Restez simple. Tawhid, c'est simple. Nous, on n'est pas comme les groupes égarés. Ils parlent beaucoup pour ne pas dire grand-chose. Là, on donne cette risale. Quelques pages. Et ça, c'est ma'ashab. Un ma'kashf al-shubuhat seul, c'est maintenant très court. Là, qu'il y a des fawaïd kathira. Limaada, liyanna al-haq il est wadih. Al-haq il est wadih. Et même, vous avez remarqué que le shara. Il demande une explication à l'imam pour répondre aux choubouhats. Fakatwa illa wa tawhid, il est clair. Tu dois adorer Allah seul, Azza wa Jal. Tu n'as pas le droit d'adorer une créature. Wa'udullah, wa la tushriku bihi shay'a. Et ça se résume à. Ça s'arrête ici. Mais on est obligé de détailler Khalilan pour répondre. Enfin, tombe, restez simple. Quand vous révisez la choubha. Mettez des numéros. Il y en a ahyanan dans le livre. Mathalan, dans le matn, tu n'as pas Shubha numéro 1, Shubha numéro 2 dans ma nusra, Mantum Ladri. Si vous n'avez pas un tertib, notez. Mitlahuna. Mathalan, Shubha Turrabi'a. Et vous notez. Vous mettez un numéro 4, Shubha Turrabi'a, 4e Shubha. Hatta ça vous facilite. Et quand tu révises, fais-tu réviser Shubha Rabi'a. Si Cheikh l'Islam, il a détaillé en 4, 5 lignes, et tu résumes en deux mots. Leur Shubha, c'est telle chose. Point. Là, c'est important pour l'ilm. La révision, c'est résumé. Il ne faut pas que la révision elle devienne plus longue que le dors. Il n'y a aucune faïda. Tu oublieras, tu vas te mélanger et tu ne retiendras pas l'essentiel. C'est pour ça que Anna, volontairement, je vous pose des questions et les réponses elles doivent être précises. Et c'est ça l'ilm. La shubha, c'est telle chose. La réponse, c'est telle chose. Avec un délit. On a vu une autre shubha, Mahi. Inna shubhaati la qiyat min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam la kadizan kutlan min al-Nabi Yaqulun Anna shafa'a, c'est pas un dua. C'est pas une demande à autre qu'Allah. C'est pas du shirk. C'est ça la shubha. Yaqulun Anna talab al-shafa'a, c'est pas du shirk. Qu'est-ce que c'est? Hum yaqulun Annahum, ils ont des péchés. Annahum, ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ils demandent à ce Nabi. Cette demande pour eux, c'est pas une ibadah, c'est pas du shirk, c'est autre chose. C'est quoi la réponse? L'ikhtisar. Faddal. N'am. Anna shafa'ata mulkun lillah. Awwalan, cette shafa'a, hum y prétendent. Annahum, le fait de la demander à un mort, c'est pas une ibadah ila akhirah. Cette shafa'a, c'est un mulk lillah. Si c'est un mulk lillah, ça va impliquer quoi? Faddal. تطلب من الله. Le fait de la demander à autre qu'Allah, c'est quoi? Shirk. انظروا la révision quand on retracer comme c'est simple. Laissez هذه دروس simple. المؤلف il a simplifié. الشارح il a simplifié. Nous ensemble, ولله الحمد, on simplifie. La révision, elle doit rester simple. On n'a pas besoin de détailler à ce niveau. حتى vous retenez l'essentiel. Et inshallah, à la fin du livre, on récapitulera toutes ces shubha en une phrase. Shubha al-oula, al-thaniya, al-thalitha. Andrew, le livre entier, il tient sur 7 pages et 7 pages. Une page recto verso. C'est ça le kitab entier. On a le kalam de Cheikh Bouzan avec des explications, avec des ayats. Ça, c'est, tu le lis dans le livre. L'essentiel, en fait, tu comprends. Zubda tout le kitab. Chaque livre, il a un résumé. Tu dois retenir ça, mais retenir le livre du début à la fin avec chaque mot, chaque lettre. Là, c'est pas ça le résumé. Il y en a, tu vas lire un autre charh, madalal. Charh de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Tu verras que c'est des autres mots. Obama, des autres adillah, des autres exemples. C'est le même contenu. Retiens le contenu, anta. Lis le charh de Cheikh Al-Uthaymeen, le charh de Cheikh Al-Ghazal, le charh de Cheikh Zayd, alayhim rahmatullah. Et ça te suffit. Lakin, dans les dros, la révision, le contenu, l'essentiel. Comme on avait fait avec le qaïd arba, première qaïda, telle chose, deuxième qaïda, telle règle, troisième. Nawaqil islam, on avait fait la même chose, premier annulatif, deuxième annulatif. Pas les exemples ou à sharh al-ulama, ça c'est autre chose. Le contenu, il y en a avec les mois, qu'est-ce qui va te rester? Que ce résumé et ce que tu as appris par cœur. Hadihi, an-nasiha pour la révision. Et la révision d'aïman l'ikhtisab. On conseille d'aïman encore la révision, tu ne refais pas le dars. Le dars c'est 45 minutes, la révision t'akhtasir. C'est quoi la shubha, c'est quoi la réponse, c'est quoi le délit? Et passe à autre chose. Et retiens hada. Au lieu de longtemps tu révises et tu ne retiens pas grand chose, tu n'arrives pas à citer la shubha et la réponse, résume en une phrase la shubha, en une phrase la réponse et retiens hada. Si tu es interrogé, tu pourras répondre. Si tu veux faire da'wa expliquer, tu pourras. On a kathrat al-kalam et beaucoup de détails alors qu'il n'y a pas besoin. Al-ma'loumat tadhi'a. L'essentiel, il disparaît. C'est pour ça que certaines réponses, on attend et on n'a pas. On n'a ni la shubha ni la réponse. Pourtant, le kalam, il est juste. Lakin, ce n'est pas la réponse à la question. Hada, c'est muhim fil ilm. Habituez-vous à résumer les masa'il. Surtout ce genre de livre, c'est très simple. Fil nahw, c'est la même chose. On te demande, matalan al-nawasib, cite-les. On te demande c'est quoi un mubtada, c'est un khabar. Mais donc, t'as tout le kalam. Il y en a parlé beaucoup, ça va être la cause que tu te trompes. Akhtasir et retiens l'ilm. Et petit à petit, tu verras, tu arriveras à détailler akthar tout seul. Bi'idnillahi azza wa jal. Qala rahimahullah, shubhatu rabi'a. Fa in qala, ana la a'budu illallah. وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. Vous avez remarqué que l'un, à partir de cette shubha, ça va ressembler. On a notre base, on avait dit, nos trois shubha qu'on répète. La première, قولهم نحن لا نشرك بالله. Et on ne fait pas de shirk. بل نشهد أن الله c'est le خالق إلى آخر. Donc ils ont reconnu توحيد الربوبية et pour eux ils ne font pas de shirk. لماذا لأن pour eux, celui qui reconnaît Ar-Rububiyya et Allah c'est le créateur, c'est un mu'min mouhid. La réponse, Anna da'wat al-anbiya, elle est fondée sur tawhid al-ibada. Celui qui reconnaît Allah comme créateur, lakin il associe Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, son iman, بأن الله c'est le Rabb, il lui est d'aucune utilité. Première choubha et première réponse. Deuxième choubha, أن هذه الآيات نزلت من يعبد الأصنام. Thumma ils disent, لكن ces versets que vous citez, c'est sur ceux qui adoraient les statues. Thumma nahnu n'adore pas des statues, on demande al-shafa'a au prophète, ou à des hommes pieux. Alayhi salatu salam. La réponse, taqaddama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une créature, les statues c'est des créatures, on n'a pas le droit d'adorer des créatures, même si cette créature elle a au rang indallah. Donc on a fini la deuxième. La troisième, annahum qalu ana a'rif annahum la yanfa'un wa la yadhurrun lakin urid ash-shafa'a. Ay hum ibn ash-shafa'a. Et pour eux, cette shafa'a, cette demande de shafa'a, c'est pas une adoration. Pour eux, ils disent, on ne s'est pas prosterné devant le prophète ou devant la tombe. Là, cette demande, on demande pour qu'il nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux, c'est une adoration lillah. La réponse, al-hada, c'est exactement qawl al-kuffar. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu. Et ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ces trois choubhat, c'est la base. Ces trois choubhat, plutôt, c'est la base. Si tu as compris ces trois, tout ce qui va venir à partir d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, ça va détailler. C'est des exemples. Donc, quatrième choubhat, et vous allez voir que taqaddamat ma'ana. On l'a expliqué dans le sharh, où Cheikh Al-Fawzan, il a cité Hamidahullah. Fa in qala ana la a'budu illa Allah. وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. هو يدي هذا المشرك أنه إلى ترك الله. أنت تقول لي لكن لماذا تدمد السمور؟ يبقى تقول cette demande c'est pas une عبادة. Cette demande c'est on veut se rapprocher d'Allah. لكن ils ont choisi un moyen de demander à un mort pour que ce mort il demande à Allah. C'est ça leur choix. قال الشيخ الفوزان حفظه الله يعني إذا كان يعترف أن العبادة حق لله عز وجل وأنه لا يجوز عبادة غير الله ولكنه يقول الالتجاء ليس من العبادة فهو جائز. فيأتي معنى الالتجاء dans le شرح de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله. على كل حال si ce مشرك il admet أن العبادة c'est un حق لله عز وجل ففي الحقيقة الموحد il prendra crédit là-dessus sur son argument. لماذا؟ لأن ce مشرك الآن il prétend أن العبادة c'est que pour Allah. Lakin il dit cette demande de l'intercession c'est pas une ibada. Anta tu as plus qu'à le convaincre que cette demande c'est une ibada et bi'idnillahi azza wa jal il acceptera. Et s'il n'accepte pas, c'est un mu'anid. Il s'entête, il a de l'orgueil. On ne perd pas notre temps avec ce genre de personne. Qala fa innaka taqulu lahu al-iltija'u ila Allah ibada wal-iltija'u ila ghayrillah fima la yaqdir 'alayhi illa Allah shirkun. L'iltija, c'est demander à Allah, subhanahu wa ta'ala. Demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous préserve contre un mal. Chercher refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils traduisent ça. Mouhim, c'est une demande. Cette demande, vu qu'en arabe, ça s'appelle du'a, ce du'a, c'est une ibada. Et si c'est une ibada, adorer autre qu'Allah, la yajouz. Falihada qala al-iltija'u ila Allah ibada. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ibada. وَالْإِلْتِجَاءُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ فِي مَا لَا يَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ شِرْكُلْ. Demander à autre qu'Allah, dans une chose qu'il n'y a que Allah qui est capable de te répondre. أَيُّهَا الْإِنْسَانُ, c'est le shirk. On revient à la shafa'a. Les annahum, ils disent, eux, c'est pas une ibada, on ne fait que demander shafa'a pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce mort, il peut donner shafa'a? Abdel. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. L'intercession entière, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi la demander à un mort? Le mort, il ne possède rien. C'est comme celui, maintenant, qui demande à un mort la guider. Est-ce que le mort, il peut le guider? Pas. C'est comme celui qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il demande à un mort d'avoir un enfant. Il ne peut pas, le mort. فَهَكَدَ الشَّفَاعَةُ, c'est la même chose. بَلْ tu as beaucoup de adillah تَقَدَّمَتْ مَعَنَا وَسَتَأْتِ إِنْشَاءَ اللَّهِ sur le fait que الشَّفَاعَة on n'a pas le droit de la demander autre qu'Allah. قال لأن من التجأ إلى غير الله في الشدائد فقد أشرك مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم كما جاء في القرآن وهو الملجأ سبحانه ولذا لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتج منك إلا إليك. Vu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout décrété, c'est lui qui a tout qadr azza wa jal, c'est lui qui a tout créé. Si tu es touché par une chose, une mauvaise chose, cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra t'aider. La rien. Le fait de demander à un mort, là, chacun, c'est du shirk. Bon, Cheikh Ibn Uthaymin, il a expliqué le hadith. La malja wa la manja wa la multaja minka illa ilayk. Qal fi al-hashiya rawah al-Bukhari. Hadith al-Bara radiyallahu anhu. Qal Cheikh Ibn Uthaymin fi sharh riyad al-salihin. فإن التوكل تفويض الإنسان أمره إلى ربه وأنه لا يلجأ ولا يطلب منجا من الله إلا إلى الله عز وجل لأنه إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. C'est pour ça qu'on doit demander à Allah عز وجل. Si Allah سبحانه وتعالى il a décidé que Fulan il sera touché par une maladie, est-ce que quelqu'un peut repousser هذا? Personne. Il n'y a que Allah سبحانه وتعالى. Demande-lui. Maintenant, tu as été touché par une maladie. Enfin, demande à Allah, il n'y a que lui qui peut te guérir. Les autres, ils font des causes. Maintenant, le wahid, il veut shafa'a. Enfin, qu'il la demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Haqiqa, l'amr, il est wadih. Lakin, ayyadun billah, des shubuhat et des cœurs malades, fahaoula, ils ont du mal à comprendre. Et wa'aduhum, ils rejettent la vérité. Ils ont de l'orgueil. Kathir, minhum. Qala, shaykh ibn Uthaymin, fa idha arad Allah bil insan shay'an, fala marad lah. إلا الله عز وجل يعني إلا أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. C'est ça معنى الحديث. أي si tu es touché par quelque chose أو tu as besoin de quelque chose, demande à Allah سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن يك الله سبحانه وتعالى qui peut te donner أو t'épargner cette mauvaise chose أو t'écarter de cette mauvaise chose, te guérir, te guider إلى آخر. قال شيخ الفوزان حفظه الله قل إني il rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل إني لن يجيرني من الله أحد. تأملوا ce verset. قال الشيخ سعدي رحمه الله نقرأ من كلام الشيخ سعدي في التفسير. أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. هذا c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit au prophète sallam قل أي قل يا محمد أي dis au محمد dis quoi. إني لن يجيرني من الله أحد. سأفجر كوا لن يجيرني. قال الشيخ سعدي أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. أي dis-leur personne ne peut m'épargner, me sauver du châtiment d'Allah سبحانه وتعالى si Allah veut me châtier. Donc تستفيد ماذا de ce verset? C'est pour ça que Cheikh Fawzan il a cité أنك si tu veux shafa'a, si tu veux être préservé du châtiment, si tu veux être guidé, si tu veux être préservé contre les tentations et la akhirah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le makhlouq, il ne peut rien te donner, il ne peut rien t'enlever. Qala, Cheikh Sa'di rahimahullah, أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. سي la situation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle-là. Il ne peut guider personne. Si un mal le touche, il ne peut pas. Il peut pas se sauver ou repousser ce mal. Illa ayyasha Allah. D'où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chaque qu'ils sont concernés par elle. Léana, la meilleure créature, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut rien donner. La yamlik nafsihi shay'an, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. À chacun anna, les hommes pieux, كذلك. Ils sont pas plus pieux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre anna hadha c'est min khassa'isillah. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te guider, qui peut te donner, qui peut te guérir wa hakada. Qala al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Il va répondre à la shubha numéro 4. Faqul la أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. أي celui qui dit أنه il adore Allah seul, ثم il prétend que demander l'intercession c'est pas une ibadah, هذا حقيقة il connaît pas l'ibadah. Il dit une chose et il se contredit juste après. قال فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين أي المؤلف رحمه الله إلى ستة سفيرسي pour montrer أن العبادة حق لله عز وجل وحده ادعوا ربكم تضرعا وخفية أي وحده أي demandez à Allah سبحانه وتعالى حديث يمونتر أنك لا تطلب à autre تقدمت معنا أدلة واضحة في هذا قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا أي نافوكي بخسن عليك الله سبحانه وتعالى أي dans une chose que y'a que Allah سبحانه وتعالى qui peut te donner لماذا demander à un mort لماذا demander à une créature qui peut rien te donner c'est du shirk et كذلك ça fait partie de السفاهة Et celui qui demande à une créature une chose qu'il ne peut pas lui donner, il a un problème. Il demande une chose à quelqu'un qui ne peut pas lui donner. Son din, il a un problème dans son din, et il demande qu'à Allah Azza wa Jal. Wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbihi innahu la yuflihu al kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés kuffar. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا Et Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé هذا المدعو إِلَهًا C'est un إله pour cette personne. Il a pris en tant que إله. C'est pour ça qu'il lui demande. Allah subhanahu wa ta'ala بَيَّنَ مِنْ الْآيَانَ هَذَا C'est du kuffar. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُ حقيقة هؤلاء لماذا ils demandent aux morts Ils veulent le shafa'a, ils veulent la réussite, ils veulent être guidés, ils veulent le bonheur, l'akhirah, fi dunya l'akhirah. C'est pour ça qu'ils font tout cela. لكن في القرآن الله عز وجل قال إنه لا يفلح يغيسرون من الكافرون سكي سكفار الذين يدعون مع الله إلها آخر هذا سانغلوب جميع الدعاء هم إلا بالكمون طلب شفاعة الحقيقة سندعاء كم يفون pour demander cette شفاعة cette intercession ils demandent aux morts cette demande c'est un دعاء لا تغتر هم يشانج لي نوم Je demande à n'importe quel musulman, est-ce que le fait de demander à ce mort, c'est une invocation, c'est une demande, il va dire non, il lui demande. Cette demande, c'est un dua. Demander à autre qu'Allah, c'est du shirk. L'imada, l'ana, personne ne peut donner shafa'a illallah. Qul lillahi shafa'atu jami'a. Qala fa'idha a'lamtahu bihada. Si tu lui as montré ce verset, et tu peux rajouter les versets qu'on a cités. فقل له هل علمت أن هذا عبادة لله فلا بد أن يقول نعم. Si après tout cela tu lui dis est-ce que الدعاء الآن c'est une عبادة, il sera obligé de te dire نعم. لأن tu as cité des versets du Coran et c'est clair. ادعوا ربكم. Si il te dit نعم, tu lui montres pourquoi cette عبادة tu l'accomplis pour autre qu'Allah عز وجل. Qui c'est qui t'a autorisé? C'est le shirk. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال والدعاء مخ العبادة هذا إلا سيتي المؤلف رحمه الله في الأصول الثلاثة يتغيد حديث كي ضعيف وتقدم معنا أن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره انظروا الكلام كم إلي مرتب كم إلي جميل Si tu l'as convaincu أن cette demande d'une chose qu'il n'y a que Allah qui peut donner مثلا notre exemple ici الشفاعة c'est une عبادة donc demander à autre c'est du shirk il sera obligé de dire نعم sauf s'il se contredit et il ment Ou il a de l'orgueil, il ne veut pas accepter. Ah là, on ne perd pas notre temps avec ce genre de personne. قال المؤلف رحمه الله فلا بد أن يقول نعم. Ça nous montre أن si tu parles بعلم أخي الكريم خاصةً avec un bon comportement. Et quand on parle à Haoula, on ne défend pas notre nefs. Là, l'essentiel c'est qu'ils acceptent دين الله عز وجل. Si tu parles dans cet ordre, on dirait le kalam الآن, il est ordonné, il est مرتب. كذلك avec des adillah il a cité un verset du Coran Karim pour appuyer sa base c'est quoi sa base ici dans cette partie Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a cité une base. Summa, il l'a expliqué. C'est quoi cette base ? Hein ? Là, ça c'est après qu'il va citer ça, la base qu'il a citée. أحسنت أن الدعاء سئن عبادة. إلى مين سبب؟ avec ce verset ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ادعوا ربكم donc c'est une ibada. ثم tu lui montres que le dua c'est une ibada. ثم tu lui montres أن ce qu'il fait c'est un dua. Il va te dire non, je demande aux morts. Cette demande c'est un dua. ثم tu lui montres أن demander à autre qu'Allah سبحانه وتعالى c'est du shirk. Et s'il est sincère, il arrêtera. لأن الشرك c'est très très grave. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أي تسأله عن معنى العبادة وما الفرق بينه وبين الالتجاء وقل له هل العبادة واجبة أو مستحبة فلا بد أن يعترف أن العبادة أمر واجب وحتم على العبادة انظروا الشيخ الفوزان حفظه الله إلى غسيتي سد بعض من الشر تريدي أولا إسك الدعاء سن عبادة إسرع أوليجة دير نعم خاصة سيلم لخير للسانسير صلى مسلم لكن ils pensaient qu'Aoula ils étaient à la haq. Tu lui cites les versets qu'on a cités. Tu lui cites qu'au Nabi sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a huwa l'ibada. Hadith il est clair. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a c'est l'adoration. Ad-du'a huwa l'ibada. Qala Cheikh al-Fawzan فلا بد أن يعترف أن العبادة أمر واجب وحتم على العباد وأنها حق أو أنها حق الله على العباد فإذا اعترف بهذا فقل له فسر للعبادة ما معناها وبين لي ما أنواعها ما دمت أنك اعترفت أن العبادة لله سئت نعم فتو لي دمون فسكوا العبادة تدي نعم العبادة سكبوا الله فسكوا العبادة لماذا الشيخ الفوزان يبوز هذه الكستيون هنا لأن هذا الإنسان سكونتخدي يدي أن العبادة سكبوا الله يدمون الانتخسيسيون أمور فالحقيقة لا تقنقي العبادة قال الشيخ الفوزان فإنه يجب عليك أن تعرف معناها وأن تعرف أنواعها وإلا فكيف يوجب الله عليك شيئا وأنت تجهله ولا تعرفه صحيح لا المصيبة البروبليم كي توش نوت كوميونيتي إلى الله سكو بعض الناس كونيس دي شوز مثلا لفت دي لا إله إلا الله أن العبادة سكو بوغ الله لكن يكونيس با السنس C'est pour ça que tu trouves Haoula, si tu demandes à n'importe quel Haoula, est-ce que l'ibada c'est l'illah ? Ils vont te dire, non, heureusement. Tu n'as pas le droit d'adorer un makhlouk. Thumma tu le trouves, il demande à un mort au shafa'a. Il n'a pas fait le lien entre l'ibada et son fi'l, et son action. C'est une musiba. Ils disent, ashhadu an la ilaha illallah. Si tu le demandes, tu as témoigné d'une chose. Le témoignage, c'est très très important. Dans quelque chose de dunya, on ne doit pas témoigner, on ne doit pas mentir, on ne doit pas se contredire quand on fait un témoignage. Mais c'est le témoignage le plus important. Si tu lui demandes, tu témoignes de quelque chose, c'est quoi ? Tu peux m'expliquer ? Il va te dire la ilaha illallah. Ça veut dire quoi ? Que ce soit en arabe ou une autre langue. Ils vont dire que Allah il existe. Ils vont dire que Allah c'est le créateur. Ils vont dire Allahu a'lam. C'est musiba. Alors que taqaddamat ma'ana ma'ana hadhihi ash-shahada, ay on témoigne et on atteste annahu la ma'bud haqqun illallah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Falima va dire cette shahada, tu m'as demandé à des morts. C'est une contradiction claire. Et ba'd an-nas ils se contredisent hakada. Ils disent shahada et ils font le shirk. Bel pardon pendant qu'ils font le shirk ils disent cette shahada. Il dit la ilaha illallah et il tourne autour d'une tombe. Il a déjà vu une monsiba mitlahad. Il dit la ilaha illallah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Et il tourne autour d'une tombe. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu adores autre qu'Allah. Imma, arrête de tourner autour de cette tombe et fais tawba. Imma, ne te contredis pas l'imam. Tu dis une chose et tu fais l'inverse. Fais, si tu fais cette chose, ne dis pas la ilaha illallah. Tu te contredis. Iyadan billah. Au moins, hadha l'insan, ça devient kafir bi wudouh. Lakin, al-jahl, c'est l'ignorance. Allez, on doit patienter ma haoula. Ba'dahum, ils ont une bonne niya. Allah, ils n'arrivent pas à comprendre ces choses. C'est très très simple pour toi. Walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé et tu lis les paroles des savants. Pour toi, c'est très très simple. Je dis, ashhadu an la ilaha illallah, je dois adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est simple, la haqiqa. عند بعض الناس سي بو سي سامبل كو سا، فلهذا نحن ندوا ايسيي دو لوغ مونتخي لوغ سامبليفي، والا ف فكو هؤلاء يسيغاروا ويغست ايغاري نحن نكانو غيان في الحقيقه. اما سي سون غيدي بار نوتر كوز فالاجر لي عظيم. قال الشيخ الفوزان: فانه لا يعرف العباده ولا يعرف انواعها، وهذه افه الجهل. اي هؤلاء يكونس با سي كوا العباده، يكونس با لي ديفيرونت كاتيجوري دو لادوراسيون. L'adoration, il y a des adorations avec la langue, avec le cœur, avec les membres. Mais arifoun, ils connaissent pas tout ça. Il y a du'a al-mas'ala, il y a du'a al-ibadah. Mais arifoun, l'imad al-alam, ils n'ont pas étudié, personne ne leur a montré. Falihada qala, Cheikh al-Fawzan, wa hadhihi afatul jahl. C'est ça le mal de l'ignorance. Et les conséquences amères de had al-jahl, de cette ignorance. قال: ومن هنا يتعين على العباد أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم وما فرضه الله عليهم حتى يؤدوه على وجهه الصحيح ويتجنبوا ما يخل به وما يبطله. On doit tous faire des efforts في هذا. C'est ça notre, ça doit être notre priorité, c'est هذا الباب. Pas que le travail, y'a pas que les loisirs, y'a pas que les sorties, y'a pas que l'argent, يدن بالله. Là, tout ça c'est des fitnes, ça te sauvera en rien. Ben, ça peut être une cause de ta perte, Akhil Kelim. Amma, ce qui te sera utile, c'est étudier ce genre de livre. Kashf al-Shubuhat, Kitab al-Tawhid, Al-Wasitiyya, Al-Arba'un al-Nawawiyya, Qabla dhalik al-Qur'an al-Karim, Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ces livres qui sont fondés sur la révélation, c'est estafide. Tu vas savoir c'est quoi l'ibada, tu vas savoir c'est quoi le haqq d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayat al-Tawhid. Tu vas savoir c'est quoi le haqq de tes parents, le haqq de tes enfants, le haqq de tes voisins. Hakada, tu seras une personne, walillahi alhamd, qui a du ilm. Et bien sûr, le but, c'est de mettre en application. Et tu seras une lumière pour les autres, pas un fardeau. Là, tu seras, bi'idnillahi azza wa jal, profitable où que tu sois. Là, il faut de faire des efforts. Il asaf al-an, ba'dun nas, et on a tous été créés pour ça, c'est ça qui est grave. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. On a tous été créés pour هذه العباده. انظروا, الله nous a créés que pour cette عباده. Tu trouves كثير من الناس, ils savent même pas c'est quoi. Tu lui demandes c'est quoi العباده, ما يدري. بعضهم, ils vont traduire une adoration. C'est quoi? C'est quoi cette adoration? C'est pour qui? C'est quoi qui la contredit? Elle repose sur quoi? C'est quoi ses conditions pour qu'elle soit acceptée? Amma, traduire pour les arabophones عباده, ثم ils demandent à des morts. C'est une moussive. C'est ça qui nous fait du mal, nous. Wallah, les kuffars, ils se font du mal qu'à eux-mêmes, les ennemis de l'islam. Ba'dannas, ils pensent que c'est les kuffars qui nous ont mis dans cet état-là. C'est notre ignorance. Wallah, les kuffars, c'est min adhaf khalqillah. Ils sont dans une faiblesse, la ya'lamuha illallah. Ils peuvent rien faire. Là, nous, on se fait du mal avec nos propres mains à cause de cette ignorance. Et la haqiqa, une demi-heure par jour. Une demi-heure tous les deux jours. Une demi-heure par semaine. فيها خير. لكن البعض من 7 demi-heure par semaine, لا. خاصة notre époque avec مصيبة التليفون. كثير من الناس sont في غفلة. لا علم, لا قراءة, لا مطالعة, لا سؤال, لا بحث, لا دروس. بعضهم rien de tout cela. Les téléphones, le travail, le sport. عيادا بالله. Et هذا الإنسان, la même sortie, elle attend. On a tous une porte de sortie. On va tous sortir par le même bœuf. Et la mort, la tombe. Est-ce que ton téléphone, il va être utile? Le sport, ça va être utile? Le sport, c'est une fitna. Le sport, à notre époque, c'est une fitna. Et alors, on conseille les frères de s'écarter de tout cela. Fais du sport pour préserver ta santé une fois par semaine, une fois par mois, yakfi. Avance fil ilm. Allah, même si tu as des faiblesses dans ton corps et tu as du ilm, tu seras min aqwa an-nas. Mais le sport, tous les jours, tu trouves le jism qawi. Une petite chose, il va demander à un mort. Une petite chose, Obama, il a peur des djinns. Ayyadim billah. Ça lui sert à quoi ce sport? Oh la chaye. Ce corps, il sera sous terre. Il sera réduit en poussière comme le corps d'un autre. Qala, amma an ta'bud Allah ala jahl. Fa inna hadhihi tariqatu an-nasara ad-dallin ya'budun Allah ala jahl wa dhalal. Wallahu amaraka an tas'alahu an yujannibak tariqahum. فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cet exemple كذلك clarifie tout ce qu'on vient de dire. Tous les jours on répète اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On demande tous les jours à Allah de nous guider et de nous préserver, de suivre ces deux groupes. المغضوب عليهم c'est اليهود, ceux qui ressemblent aux juifs, et ceux qui ont des connaissances et qui ne mettent pas en application, et الضالون النصارى, et ceux qui le ressemblent, ceux qui adorent Allah بالجهل. الحقيقة ce dua va faire des efforts. Si tu ne veux pas faire partie, Akhil Karim, de Ha'oula Abdallin, les Mahdi se sont égarés de Nasara. Nasara, kadalik, ils ont eu un prophète, le prophète Isa. Alayhi salam. Kadalik, Allah, il a révélé un livre à Isa. Al-Injil. Les Mahdi, ils se sont égarés à cause de l'ignorance. Est-ce que nous, on est à l'abri là? Comme eux, ils se sont égarés, si on fait les mêmes erreurs et on n'apprend pas notre dîme, enfin, le chemin de l'égarement, c'est le même. C'est pour ça que tu trouves Nasara, ils ont adoré Isa ibn Maryam. Ils ont prétendu que c'était le fils d'Allah Azza wa Jal. Et tu trouves dans cette communauté qui ont fait la même erreur, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala bidja, ils adorent une tombe. Ils adorent des morts. Allah ba'dhum, ils n'adorent pas un Nabi, ils adorent un fasiq. Al-Nasara c'est des mouchrikoun, et ceux qui adorent la tombe, les tombes c'est des mouchrikoun. L'imam, ce dua on ne doit pas le dire qu'avec la langue. Ce dua on doit le dire, on doit le comprendre. C'est quoi Sirat al-Mustaqim? C'est le Coran et le Sunnah, c'est l'islam. C'est quoi la voie al-maghdoub alayhim, ce que Allah s'est mis en colère contre eux? C'est les Yahoud. Limada. Et non, mais ils savent, ils n'appliquent pas. Ils savent, ils n'appliquent pas. Donc nous, quand on sait une chose, on doit la mettre en application. C'est qu'ils valent, c'est ceux qui adorent Allah bil-jahl. Ils ne font pas d'efforts dans l'apprentissage, dans l'ilm. Ils font des adorations, des bida'a, ils inventent des histoires, et la akhir. On doit faire des efforts pour l'ilm pour ne pas être comme eux. Fahada, ce dua, limada. Toute la communauté. Chaque musulman il fait ce dua. Chaque musulman il récite le Fatiha, il a akhir. L'imada, beaucoup de musulmans, ce dua n'est pas exaucé pour l'imada. Et là, il faut faire des efforts. Amma dire, ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim ila akhir. Et à la fin, dire, les juifs et les chrétiens, c'est nos frères. Et à la fin, jamais ouvrir un livre, jamais assister à un dourous. Pensez qu'au sport, pensez qu'au travail, pensez qu'à l'argent. C'est la langue, faqat, qui dit cela. وبعضهم للأسف يديز يليز ce passage ولا يفهمونه. Comment tu vas faire un dua et tu comprends pas? Tu demandes une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais même pas c'est quoi. C'est une musibah. Ça serait fait dunya. Les gens ils font beaucoup d'efforts comme ta'lamoun. Beaucoup d'efforts pour travailler, pour avoir de l'argent, ils font attention, ils cherchent le sens. وبعضهم ils essayent de trouver une façon pour gagner de l'argent et ça demande des efforts. لماذا لأن ils aiment l'argent. Notre dîne, ça doit passer avant. قال فالضالون هم الذين يعبدون الله على غير علم وعلى غير معرفة بالعبادة وعلى غير معرفة بالعبادة وإنما يعبدون الله بالعادات والتقاليد وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم دون أن يرجعوا إلى ما جاء به الرسل ونزلت به الكتب وهذا هو سبب الضلال. هؤلاء au lieu de faire des efforts في العلم et comprendre c'est quoi l'ibada et comprendre c'est quoi le shirk et savoir que certaines choses ça annule l'ibad, que shirk billahi azza wa jalla, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, ils ont suivi leurs ancêtres. Nos grands-pères, nos grands-parents, ils faisaient. Nos parents, ils font. Dans notre pays, ils font. Ah, le taqlid, ayyadam billah. Et ça, c'est une des plus grandes causes d'égarement. وَالْإِلْتِجَاءُ هُوَ طَلَبُ الْحِمَايَ مِنْ أَمْرٍ مُخَوِّفٍ لا يدفعه إلا الله فهو نوع من أنواع العبادة الالتجاء. Ça veut dire quoi l'iltija? C'est طلب الحماية. Et demander protection contre une chose qui peut faire du mal à l'insan. Enfin, le fait de demander هذا au mort, مثلاً, pourquoi ils demandent الشفاعه? Pour se préserver contre quoi? الشفاعه te préserve contre quoi, أخي الكريم? عند من? من النار. نعم, من النار, من العذاب. Shafa'a yawm al-qiyama, c'est pour être préservé du châtiment. L'intercession pour ne pas se faire châtier. Fahoum, ils l'ont demandé à des morts. Alors que hada al-iltija, c'est une ibada, il faut demander à Allah azza wa jalla. Qala, fahuwa naw'un min anwa' al-ibada, wallahu subhanahu yujir wa la yujar alayhi wa yu'id man ista'adha bih, fa man iltaja'a ila mayyitin faqad 'abadah min dunillah. Et celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui répond. Et celui qui demande à un mort, fa'iyadam billah, il est sorti de l'islam. لماذا لأن هذا الدين il a des nawaqid, des choses qui l'annulent. Et parmi ces choses, demandez au mort. لماذا لأن cette demande c'est une ibadah. Et adorer un mort c'est du shirk. قال وكذلك من أعظم أنواع العبادة الدعاء، حيث قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وأنت بالتجائك إلى غير الله فقد دعوت غير الله، وهذا شرك. نعم، هذا واضح. قال: فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ Si tu lui dis, حقيقة هنا il a cité cette masala en tant qu'exemple pour lui montrer أن جميع العبادات لله. Et le fait d'accomplir une adoration pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Il a cité, après avoir cité Ad-Dua, l'imad al-Yann Ad-Dua, c'est le sujet. Et eux, ils demandent l'intercession. Cette demande, c'est une invocation. Invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk. Il leur cite un deuxième exemple. قوله عز وجل فصلي لربك ونحر. Ça, ça nous montre أن الصلاه والنحر. النحر, c'est الذبح. Et la salat et le sacrifice, c'est que pour Allah. فصلي. لمن؟ لربك وانحر، أي وانحر لربك. Donc الصلاة والذبح c'est deux adorations. Celui qui fait الصلاة عيادا بالله pour une créature أو qui sacrifie pour une créature c'est du shirk. فهكذا celui qui invoque autre الله. Et حقيقة il aurait pu citer toutes les عبادات الصيام الحج إلى آخره. Celui qui fait cette adoration pour une créature c'est plus un musulman. قال وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. تذكرون أنهم إذا فعلوا ديفيرونس entre les statues et les hommes pieux. تذكرون تشوها. Ils ont dit les hommes pieux c'est pas comme les statues. Donc على قولهم celui qui fait une salat ou il sacrifie pour un prophète ou pour un homme pieux, c'est pas du shirk. Ils vont dire là, ils vont dire c'est du shirk. Enfin, c'est la même chose. C'est ça l'argument de Cheikh al-Islam. قال أي لابد إذا تلوت عليه الآيات والأحاديث بأن الدعاء عبادة لابد أن يعترف. فتقول له لو دعوت الله في الليل والنهار لكنك في بعض الأحيان تدعو غير الله هل تكون مشركا؟ فلا بد أن يعترف ويقول إنه مشرك لأنه دعا غير الله ومن دعا غير الله فهو مشرك. même si c'est une fois. c'est ça la gravité du shirk. فمثلا واحد il invoque, il demande à Allah سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. nuit et jour il demande qu'à Allah سبحانه وتعالى. un jour il demande à un mort. toutes ses œuvres sont annulées. c'est un mushrik. c'est ça la gravité de هذا الشرك عيادا بالله. une fois. عيادا بالله ça annule tout. لابد الإنسان الموفق في التوبة. في التوبة et ne recommence plus et Allah il lui pardonne. أما si meurt et il fait pas de توبة il est على خطر عظيم. قال الشيخ الفوزان وإذا كان من دعا غير الله ولو مرة واحدة في العمر يكون مشركا مع أنه يدعو الله في الليل والنهار فكيف الذي يلهج دائما بذلك ويقول يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا فلان فيصدر منه الشرك الأكبر كثيرا كثير de celui ou de ceux qui d'animent dans les moments de facilité ou de difficulté ya Abd al-Qadr ya Tijani, ya Fulan ils invoquent et ils demandent Iyadam Billah à tes morts et wa'adhum ils ne demandent plus à Allah dès qu'ils ont un problème al-awliya Sidi Fulan et ils lui demandent et ils sacrifient et ils voyagent ha'oula ils sont à la khattarin azim. قال فإذا كان من ذبح لغير الله وصلى لغير الله يكون مشركا فكيف بمن يلجأ إلى غير الله في كشف الشدائد ألا يكون مشركا؟ est-ce qu'il y a une différence si quelqu'un fait salat pour une créature ou il sacrifie pour une créature alors que c'est une عبادة c'est un mushrik on est tous d'accord فلماذا celui qui invoque autre qu'Allah ça serait pas un mushrik هم يقولون لكن c'est un نبي لماذا cette différence عياذا بالله d'où ça vient alors que les textes ils montrent qu'il n'y a aucune différence قال بلى لأن الباب واحد وأنواع العبادات كلها بابها واحد لا يجوز أن يخلص لله في بعضها ويشرك بالله في البعض الآخر أساس قاعدة أن العبادات كلها لله عز وجل il n'y a pas de différence les invocations الصلاة le sacrifice الحج الصيام toutes ces عبادات c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala celui qui associe une créature à Allah dans une de ces عبادات il annule toutes les autres et c'est un mushrik il sort de l'islam. قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد أن يقول نعم فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذق والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفعة وهذا ظاهر جدا نعم وهذا تقدم معنا سي أنجي أهؤلاء إسكو المشركون à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était des mushrikoun ils ne sont pas rentrés vers l'islam ils m'ont dit non, c'était des mushrikoun le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam les a combattus maintenant kuffar ceux qui n'ont pas accepté l'islam tu lui réponds qu'est-ce qu'ils ont fait c'est quoi qui les a fait qui a fait d'eux des kuffars qui ne sont pas rentrés dans l'islam ils invoquaient ils demandaient à des morts aux anges, à des prophètes à l'aide, à des statues il a affaire c'est quoi la différence entre les mushrikoun à notre époque et هؤلاء il y a aucune différence. قال الشيخ الفوزان اي ان المشركين الاولين ما كان شركهم الا في هذه الامور وقد نزل القران في الانكار عليهم والامر بقتالهم واباحه اموالهم ودمائهم malgré cela النبي صلى الله عليه وسلم les a combattus ما كانوا مع اصنامهم يعتقدون انها تخلق وترزق وتحيي وتميت وما كانوا يدعونها الا من اجل الشفاعه وهذا تقدم معنا كثيرا أنهم ils n'avaient pas la croyance أن leurs statues, leurs idoles c'était des créateurs لا ils reconnaissaient que le seul créateur c'était Allah Azzawajal malgré cela ils ne sont jamais rentrés vers l'islam ça nous montre que ça ne suffit pas c'est quoi qui a fait d'eux que c'était des kuffars et ils sont restés à la kufrihim أنهم ils n'ont pas délaissé الشرك ils n'ont pas délaissé l'adoration des idoles celui qui adore autre qu'Allah à notre époque c'est la même chose même s'il croit que Allah c'est le créateur même s'il prononce le shahada même s'il prononce les deux shahada même s'il aime le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ça suffit pas et Anna il a tout annulé avec son shirk et Cheikh al-Islam rahimahullah il a détaillé هذا dans d'autres shubha قال وأنهم خلقوا السماوات والأرض وإنما اتخذوها لقضاء الحاجات والتوسل بها إلى الله ليشفعوا لهم ويقربوهم إليه زلفا والالتجاء إليهم في كشف الكرب والشدائد ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هؤلاء المشركون qui étaient à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم leur but aussi c'était de se rapprocher d'Allah leur but aussi c'était de prendre ces idoles comme intermédiaires فقط est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a accepté leur argument أبدا pourquoi accepter l'argument des mushrikoun d'aujourd'hui لا والله المستعان نكتفي بهذا هذا الكلام كنا به aujourd'hui في الحقيقة ça se répète لكن طيب حتى ce qu'on a oublié auparavant ça se répète حتى إن شاء الله on comprend bien ces مسائل فريفيزي هذا الكتاب il est مهم et on répète accentuez votre révision sur le matn في الحقيقة il y a les شبه et les réponses accentuez votre révision sur le matn et lisez كلام شيخ الفوزان il explique le matn لكن le matn il a cité la shubha et la réponse la shubha c'est fa'in qala et si ce mushrik il dit ana la a'bud illallah j'adore qu'Allah et je ne veux pas du shirk la réponse c'est fa'qul la anta tuqir anna Allah aftarada alayki la akhira donc la haqiqa là c'était la shubha et la réponse si ce n'est pas clair notez sur votre livre mettez le numéro de la shubha et mettez shubha tu rabi'a et la réponse écrivez al-jawab hatta c'est clair lianna عند البعض peut-être ils ont du mal à trouver elle est où la shubha elle est où la réponse et dans la révision ils révisent et quand tu lui demandes de tirer فقط la shubha il a du mal لماذا لأن il s'est pas organisé هذا والله تعالى أعلم et on passe à notre deuxième درس وبالله التوفيق